Toyota. Eh, hey, t'as vu ? On a passé plus de 50% du temps de trajet en électrique. Et oui, je sais chérie, tu me l'as répété pendant 50% du temps. C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez essayer la Toyota Yaris Hybride pendant les essais extraordinaires et profitez-en à partir de 179€ par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota. Temps de trajet, étude Drive Eco mai 2022. Yaris Hybride Dynamique, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 350€, prime à la conversion déduite. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Dimanche aura lieu le premier tour des élections législatives françaises, un scrutin uninominal à deux tours qui doit permettre d'envoyer 577 députés à l'Assemblée nationale, chacun étant élu dans sa circonscription. Plusieurs partis dénoncent ce mode de scrutin, estimant qu'il n'est pas assez représentatif de la proportion réelle des scores des partis politique dans la population française et réclame un passage au scrutin proportionnel. Mais un scrutin vaut-il vraiment mieux qu'un autre ? Est-il plus juste ou plus légitime ? Existe-t-il un modèle idéal de vote qui ne comporte pas de biais intrinsèques ? Faisons donc un peu de mathématiques électorales. Mathématiques électorales, les calculs sont pas bons, c'est le programme politique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment fonctionnent ou dysfonctionnent les différents modes électoraux et ce que les mathématiciens ont à en dire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoinette Beaujard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et membre du laboratoire CNRS GATT Lyon-Saint-Étienne. Et Antoine Houlou-Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant de théorie politique à l'université de Trente et d'histoire des idées politiques à l'Institut du management public et politique de Paris. Mais on commence par celle que vous plébiscitez chaque jour pour son journal des sciences, c'est Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue New England Journal of Medicine, étude qui décrit un essai clinique en cancérologie avec une immunothérapie qui a obtenu 100% de réussite. Oui, cette étude américaine de phase 2 porte sur des patients qui ont une sous-catégorie rare de cancer du rectum. Alors dans cette étude, les patients sont à un stade pas trop avancé, ça signifie qu'ils sont opérables. Dans ce cas, le traitement classique consiste à faire un traitement avant l'opération, un traitement néoadjuvant avec de la chimiothérapie associée à de la radiothérapie, et après, on opère avec une ablation du rectum. Dans cet essai, les chercheurs ont bouleversé ce standard grâce à un traitement par immunothérapie. Cette étude ne porte que sur un tout petit nombre de malades, il n'y a que 12 patients, mais si elle a été publiée dans un journal qui a une haute valeur médicale et scientifique, c'est parce que même avec une si petite cohorte, les réponses que l'on obtient sont très élevées. Ça ne peut pas être plus élevé hein, puisque c'est 100% de rémission chez tous les patients, 6 mois après le traitement. Aucun d'entre eux n'a eu besoin ni de traitement néoadjuvant, ni d'opération. Caroline Robert dirige le service de dermato-oncologie de l'Institut Gustave Roussy, un institut qui a une grande expérience de l'immunothérapie. Ce sont des patients qui ont, dans leur cancer, une mutation d'un gène de réparation de l'ADN. On a beaucoup de systèmes pour réparer notre ADN. Malheureusement, quelquefois, ces systèmes ne marchent pas bien. Et là, il y a un de ces systèmes de réparation qui s'appelle le système de réparation des mésappariements, c'est-à-dire que on a des bases d'ADN qui sont pas correctement mises l'une en face de l'autre quand l'ADN va se répliquer. Eh bien, ici, ces patients-là, ils ont une mutation qui fait qu'ils réparent pas correctement. La conséquence de ça, c'est que des mutations vont apparaître dans leur ADN et à l'occasion de cette hyper mutagénèse, ils vont développer un cancer. Et donc, le médicament qui est utilisé ici, c'est une immunothérapie qui va cibler un récepteur qui s'appelle PD-1. C'est assez connu maintenant, on dit souvent en anglais les anti-PD-1. C'est ce qu'on appelle aussi en anglais souvent les immune checkpoints, c'est-à-dire les points de contrôle du système immunitaire. On va bloquer PD-1 et en bloquant PD-1, on va activer le système immunitaire puisque PD1, c'est un contrôle négatif du système immunitaire. Donc avec un anticorps anti-PD1 ici, ça s'appelle le dostarlimab, c'est un relativement nouveau anti-PD1, on donne ce traitement pendant 6 mois. Donc on stimule le système immunitaire des patients et après on regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les 12 patients, ben en fait, ils n'ont même pas eu besoin de chimiothérapie et de radiothérapie et d'opération parce que la tumeur a disparu. C'est-à-dire que quand on faisait une rectoscopie, on la voyait plus. Quand on faisait un scanner ou un PET scan, on la voyait plus. Donc petite cohorte de patients, mais énorme résultat. C'est pas révolutionnaire d'utiliser un anti-PD1 dans un cancer avec ce type de mutation. On le fait tout le temps. Mais là, on utilise ça plus tôt dans le cours de la maladie et ça change le cours des choses. C'est-à-dire que sur la base de cette étude, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un enregistrement très très accéléré parce que maintenant, ça paraît difficile de ne plus faire ça chez les patients. Pour le coup, c'est révolutionnaire en termes de prise en charge du patient dans cette situation particulière. Voilà, et l'étude du New Journal England of Medicine est comme d'habitude accessible via notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Hier au Parlement européen, la réforme du marché du carbone n'a pas été adoptée. La réforme ETS pour Emission Trading System a été rejetée. Pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'était une mesure phare du plan climat de l'Union européenne. Elle prévoyait une refonte du marché des quotas d'émissions de CO2 et une réduction d'ici 2030 de 63% des émissions des secteurs soumis au marché carbone. Chimie, électricité, ciment, acier. Néanmoins, les eurodéputés ont tout de même réussi à voter la fin de la vente des véhicules thermiques. En 2035, fini la vente de voitures et de camionnettes neuves à moteur à explosion. Excepté pour des voitures de luxe, seules les motorisations électriques ou à hydrogène pourront être mises sur le marché. On ne parle là que de la vente de voitures neuves. Les véhicules hybrides à essence et à diesel pourront toujours continuer à circuler. Le James Webb Space Telescope a été impacté par une roche spatiale. Oui, c'est ce que vient d'annoncer la NASA. Mais tout va bien. Entre le 23 et le 25 mai, l'un des 18 miroirs hexagonaux recouverts d'or a été heurté par une micro-météorite. Rien de grave, le télescope est conçu pour ça, bien que cette roche soit un peu plus grosse que ce à quoi la NASA s'attendait. Mais la mission n'est pas compromise, les instruments du télescope sont toujours en cours de préparation et la mise en service du James Webb approche. Ses toutes premières images sont attendues le 12 juillet prochain. Et enfin, selon une étude parue dans la revue The Cryosphere, la neige qui tombe en Antarctique contient du microplastique. Dans nos veines, dans nos poumons, au fond des abysses jusqu'aux hautes atmosphères, rien ne semble être épargné par cette contamination au microplastique. Pour la première fois, une équipe néo-zélandaise apporte la preuve qu'il neige du microplastique en Antarctique, dans la région de l'île Ross, une des plus grandes réserves naturelles. Les chercheurs ont échantillonné de la neige fraîche sur 19 sites, tous contenaient des fibres de polymère. Sur un litre, on trouve 29 particules de polyéthylène téréphtalate, le PET, que l'on utilise pour les bouteilles ou les vêtements. Les auteurs s'interrogent sur les conséquences que cela pourrait avoir sur la faune locale, mais aussi sur la fonte des glaces. Cette présence de microplastiques pourrait peut-être accélérer ce phénomène. Merci Natacha, et à demain pour le journal des sciences de la semaine. Un vote égale une voix. Dit comme ça, l'équation paraît simple, solide et juste, mais malheureusement en politique, rien n'est jamais aussi facile. Ainsi en est-il du mode de scrutin qui peut déterminer l'issue d'un vote. L'Assemblée nationale, par exemple, pour laquelle nous votons, je vous le rappelle, dimanche, est régie par un scrutin uninominal à deux tours, ce qui a pour conséquence, si l'on prend les résultats de 2017, de donner 61% des sièges à la majorité présidentielle qui n'a pourtant recueilli que 32% des voix au premier tour. Le Front National, lui, avec 13% des voix au premier tour, n'avait récolté que 1% des sièges. De nombreux partis réclament de passer au scrutin proportionnel à un tour. Cela a déjà eu lieu en France une fois, c'était en 1986, et c'est notre archive du jour. J'infuserai à des degrés divers de la proportionnelle dans la plupart de nos modes de scrutin. 1985. Un an avant les élections législatives, le président Mitterrand envisage la mise en place de la proportionnelle. Pourquoi ? Pour plus de représentativité, selon la gauche. La démographie de la France a changé. Mensonge et tactique politicienne, selon les opposants. Avril 1985, c'est officiel. Les élections législatives se feront à la proportionnelle à un tour. Scandale du côté de l'opposition. Les couloirs ressemblaient cet après-midi à un terrain de rugby. Un communiqué commun publié par le RPR et l'UDF estime que le président de la République a choisi son intérêt personnel. 16 mars 1986, c'est le grand jour. Conséquence de la stratégie de François Mitterrand, pour la première fois, 35 députés du Front National entrent au Parlement. Ça empêche la droite d'avoir une large majorité. L'humiliation électorale est donc évitée pour le PS. Mais c'est bien la droite qui remporte de peu cette élection. Malgré un scrutin proportionnel, dont l'objectif, à l'évidence, était d'empêcher toute majorité nouvelle dans notre pays, les Français ont choisi. Ils ont confié au RPR et à l'UDF la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Conséquence, pour la première fois sous la Ve République, une cohabitation s'instaure. Jacques Chirac devient Premier ministre. Une de ses premières réformes sera de revenir au mode de scrutin majoritaire en légiférant sans débat avec l'article 49.3. 1986 restera donc la seule année où les députés ont été élus à la proportionnelle. Voilà cette tentative, cette expérience de proportionnelle qui montre bien quelque chose d'important, c'est que changer le mode de scrutin, c'est changer les résultats, c'est donc influer sur le vote. Une réaction à cette archive et à cette expérimentation de proportionnelle, Antoinette Bojard ? Oui, la plupart du temps, lorsque l'on cherche à réformer les élections et les modes de scrutin, la première idée que l'on a, c'est de passer à la proportionnelle de telle manière à pouvoir mieux représenter le corps électoral. Ce qu'il faut faire peut-être, c'est ouvrir un petit peu son imagination et voir que d'autres modes de scrutin sont également possibles. Pour le cas de l'Assemblée nationale, on a envie d'avoir un corps électoral, une assemblée qui représente le plus nos électeurs. On a envie de retrouver la proportion des élections que l'on a, des résultats électoraux qu'on a vus dans les résultats nationaux. Pour autant, je crois qu'il faut interroger un petit peu plus loin ce que veut dire le vote, ce que veut dire un mode de scrutin et quel est l'impact que ça a et comment est-ce qu'on veut représenter les préférences de chaque électeur et de la totalité. Ça dépend énormément des valeurs qu'on a envie de mettre. Antoine Oulou-Garcia, sur cette archive et une fois de plus sur ce débat qui continue aujourd'hui à agiter la sphère politique sur faut-il, est-ce que la proportionnelle finalement serait plus juste, ou serait un mode de scrutin plus juste que ne l'est le scrutin majoritaire actuel ? Alors effectivement, deux choses. D'une part, au final, en 86, il n'y a pas vraiment eu de débat. On est revenu à un système électoral entre guillemets traditionnel, celui auquel on est habitué aujourd'hui, sans qu'il y ait de débat, puisque le 49.3 a été utilisé. Donc ça, c'est déjà une première chose remarquable, c'est que c'est vrai qu'on a envie de débattre sur le mode de scrutin, et puis finalement, on le fait pas toujours, parce que c'est quand même assez compliqué. Comme le disait Antoinette Bojard, effectivement, on a cette opposition entre, en gros, scrutin à la majorité, tel qu'on l'utilise, à un tour ou deux tours, et puis la proportionnelle, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres choses qui existent. Après, le problème, c'est quel est le scrutin le plus juste ? C'est difficile à dire. Voilà, je pense que la question de la justesse du scrutin, elle n'est pas forcément liée à une question de performance, mais plutôt à une question de conception politique qu'on a de notre entité politique elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, cette idée de la proportionnelle, elle est très liée à l'idée un peu hegélienne défendue par Hans Kelsen au début du XXe siècle, dans les années 20, qui consiste à dire il faudrait que le Parlement, puisqu'on est dans des démocraties parlementaires, le Parlement représente au sens statistique du terme notre société, un peu par exemple comme on a cette idée-là dans le Conseil économique, social et environnemental, où on a différents corps de métiers qui sont associés. Après, si on prend par exemple les États-Unis, il est clair que leur propre conception politique, la conception que les États-Unis ont d'eux-mêmes, est une conception qui fait en sorte que, par exemple, le vote majoritaire ne va pas être tout à fait pertinent pour eux. C'est un État qui s'est construit sur le fédéralisme. Et pour eux, il est normal, il est logique, il n'y a rien d'injuste à ce que Hillary Clinton, par exemple, en 2016, ait perdu en ayant une majorité de voix. Parce que ce qui compte, c'est les grands électeurs. Pourquoi les grands électeurs ? Parce que c'est les États qui constituent les États-Unis, qui doivent être d'accord entre eux. C'est pas les électeurs eux-mêmes, mais les États qui représentent ces États-Unis dans l'ensemble. Donc, La question de la justesse, elle est très complexe parce qu'en fait, elle fait référence à la conception politique qu'on a de soi-même. Bien sûr. Un mot sur cette conception, effectivement, de la justesse, Antoinette Bojard. On pourrait dire, ou une sorte de bon sens, et on sait qu'il faut toujours se méfier du bon sens quand on le présente de telle manière, mais de dire qu'effectivement, il y a quelque chose de dysfonctionnel ou d'injuste, pour réutiliser cette terminologie, quand on voit, quand je donne les chiffres tout à l'heure de 2017, un parti, une majorité présidentielle qui totalise à peu près un tiers de l'électorat et qui se retrouve avec deux tiers des députés. On se dit là, il y a effectivement une distorsion, mais est-ce que pour autant la proportionnelle serait vraiment plus juste? Est-ce que la notion de justesse voudrait dire que l'Assemblée nationale doit absolument décalquer à la virgule près l'état des tendances politiques du pays? Ce que je viens de dire, Antoine Oulou-Garcia, c'est vraiment que tout dépend de la conception de la politique que l'on a envie de mettre en œuvre et que la performance a bien représenté statistiquement ce qu'est la population et peut-être pas le seul critère de justesse ou de qualité d'un mode de scrutin qu'on peut imaginer. Ce sur quoi on peut se mettre assez facilement d'accord, c'est que sur chaque mode de scrutin, on va réussir ensemble, de façon consensuelle, à lui trouver des défauts. Et on pourra les identifier, on pourra même être assez nombreux à s'accorder sur le fait que certains modes de scrutin en particulier ont quand même beaucoup plus de défauts que d'autres. Là où ce sera plus difficile, c'est de se mettre d'accord sur le mode du scrutin qui est incontestablement le plus juste. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mathématiques vont nous aider justement à identifier dans quelle mesure chacun de ces modes de scrutin qui nous sont offerts présente des qualités, des vertus, des capacités à représenter correctement les préférences ou les personnes ou les circonscriptions ou les États au sein d'une fédération. Mais par contre, il faut aussi demander à cette théorie du choix social de nous expliquer quels en sont les paradoxes, les difficultés. Et ce qui va être plutôt intéressant, c'est de faire la liste des différents critères qu'on peut attendre d'une démocratie et d'essayer d'associer pour chacun de ces modes de scrutin ceux qui vont respecter ces propriétés souhaitables ou qui vont violer ces propriétés souhaitables. On va parler de paradoxes. Mmh. Et on va se rendre compte assez rapidement, peut-être on en parlera bientôt, que en fait, il n'existe aucun scrutin idéal. Et donc, nous n'allons jamais nous mettre d'accord sur un mode de scrutin qui est le meilleur pour tout le monde et sur lequel il n'y aurait aucun débat. Donc, les mathématiques ne vont pas nous aider à résoudre notre question politique qui est comment voulons-nous vivre ensemble et définir ce qu'est une bonne démocratie. En revanche, ces mathématiques du vote vont nous aider à mettre de la raison dans la définition de ces propriétés et de ces paradoxes. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h18, nous parlons donc de mathématiques électorales en compagnie d'Antoinette Bojard et d'Antoine Oulou-Garcia. On l'a compris, et Antoinette Bojard vient de le dire, il n'existe pas de système de vote idéal, mais tous les modes de scrutin ne se valent pas. À quand remontent, Antoine Oulou-Garcia, les premiers travaux sur les modalités de vote ? Alors, le vote, on y a réfléchi depuis longtemps, hein, depuis l'Antiquité. Il y avait par exemple le tirage au sort qui était couplé au vote. Il y avait une machine qui s'appelait le clérotérion dans l'Athènes antique, du 5e siècle en particulier, qui permettait de tirer au sort de façon vraiment à avoir, une équiprobabilité entre les citoyens pour que chacun puisse participer au gouvernement et au pouvoir. Après, les premières mathématisations du vote, les premières réflexions vraiment mathématiques sur les procédures électorales, elles remontent assez étrangement à un roman qui s'appelle Blanquerna. On est dans les années 1270-1280, et c'est un franciscain qui s'appelle Raymond Lull, c'est un catalan, qui écrit ce roman, alors qu'il y a une sorte d'un peu d'autobiographie vaguement romancée, dans lequel il imagine notamment une héroïne qui s'appelle Nathana, qui fait partie d'une abbaye, et on doit élire l'abbesse. Et c'est vrai que la réflexion électorale au Moyen-Âge, elle a été énormément développée par le milieu ecclésiastique parce que on devait élire des abbés, des abbesses et puis des papes également. Et puis on savait très bien que quand on n'arrivait pas à une telle élection, bah, ça pouvait poser problème. Il y a eu par exemple dans les années 1270 une élection d'un pape qui a duré 3 ans. Ça a menacé l'institution entière de l'Église. Et donc on a commencé à se dire qu'il fallait réfléchir sur le sujet. Et Raymond Lulle, dans ce roman donc, qui s'appelle Blanquerna, propose une méthode assez complexe à 2 tours, mais pas à 2 tours dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Le premier tour consiste à réunir toutes les sœurs de l'abbaye et à faire tous les duels possibles. C'est-à-dire qu'on demande à 2 sœurs de se lever, de se mettre l'une face à l'autre, et toutes les autres sœurs disent « moi je préfère celle-ci, moi je préfère celle-là ». À partir de là, on voit combien de points gagne chacune des 2 sœurs dans ce duel entre les 2. Et puis on fait ça avec toutes les sœurs. À partir de là, on va retenir un certain nombre de sœurs qui auront gagné le plus de duels pour être les électrices de la future abbesse. C'est-à-dire que le premier tour de l'élection ne consiste pas à écrémer les candidates, mais à écrémer les électrices déjà. Et ensuite, parmi ces électrices, qui pourront d'ailleurs élire une sœur qui n'a pas été élue parmi les électrices, mais qui est une sœur qui n'a pas gagné ses duels dans le premier tour, on va refaire des duels et on va finalement attribuer le rôle d'abbesse à celle qui aura gagné le plus de duels. Donc c'est une méthode qui est extrêmement longue, un peu fastidieuse, mais c'est ça la première méthode mathématique avec Raymond Lulle qui nous donne le nombre de duels qu'il faut faire et puis le nombre de points qu'obtient l'abbesse qui finit par gagner. Les premiers grands électeurs sont de grandes électrices en quelque sorte, si on pouvait le résumer comme ça. Deux noms très importants dans la conception, la pensée des modes de scrutin et de ces mathématiques électorales, Antoinette Bojard, Condorcet et Borda. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont leurs contributions ? Condorcet et Borda, Antoine Bouverset allait en parler, mais je peux prendre la parole à ce sujet. En fait, Condorcet et Borda vont essayer de réfléchir à la façon dont on va pouvoir modéliser l'idée d'une démocratie en essayant d'imaginer si l'on peut représenter une idée de majorité, mais qui évidemment n'était pas conçue mathématiquement à ce moment-là, comme nous on l'aperçoit, comme si c'était une sorte d'évidence, une évidence mathématique, une évidence naturelle. Condorcet va imaginer de représenter une majorité comme en imaginant que chaque personne va avoir une certaine préférence et comparer 2 situations différentes et compter le nombre de personnes qui seront plus d'accord avec une situation plutôt qu'une autre. Borda, lui, va essayer de réfléchir à un autre mode de scrutin en accordant pour toutes les situations possibles, non pas des comparaisons par paire, mais pour toutes les situations possibles, on va pouvoir les classer et accorder le plus de points possible à notre meilleure préférence, un petit peu moins de points à la seconde, un petit peu moins de points à la troisième, jusqu'à 0 à la dernière. En ajoutant l'ensemble de ces points, on obtiendra le score de Borda et à un tour, celui qui a le plus grand score a gagné. Donc il y a évidemment de grands débats entre les deux pour savoir quelle est la meilleure façon de modéliser ce que devrait être une décision et d'un meilleur vote. Antoine Lougarcia. Oui, en fait, ce qui est intéressant avec Borda puis Condorcet, c'est que Borda est le premier à penser à cette question de des fois, le vote ne satisfait pas les électeurs. Alors, c'est bizarre parce que on vote à la majorité et pourtant, il y a une majorité de gens insatisfaits. Alors, on se dit, mais comment c'est possible ? Et Borda, en fait, est le premier à se poser cette question. Avant lui, Raymond Lulle, dont j'ai parlé, ou Nicolas de Cuse, également à la fin du Moyen-Âge, qui a proposé des modèles mathématiques, ne sont pas dans cette perspective-là. Ils ont plutôt l'idée de dire, ce qu'il faut, c'est trouver une règle électorale qui assure qu'on élise la personne la plus compétente. Donc il y a quelque chose, il y a une performance dans leur perspective, alors que chez Borda puis Condorcet, il y a une perspective au contraire plus démocratique, c'est qu'on veut que le vœu des électeurs soit véritablement porté au pouvoir. Et le système de Borda qu'Antoinette expliquait très justement, en fait ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui il est utilisé. On le sait pas forcément que ça vient de Borda, mais il est utilisé à l'Eurovision et il est utilisé pour l'élection du Ballon d'Or. Donc deux événements quand même assez mainstream, assez connus. Eh bien, on voit typiquement que dans ces événements comportement-là, et la France peut s'en plaindre assez régulièrement, il y a ce qu'on appelle un comportement stratégique qui est très facilement faisable. On sait bien que, par exemple, plein de petits pays, notamment les pays baltes, à l'Eurovision, ont pour habitude de voter les uns pour les autres et du coup de laisser pour compte finalement la qualité des candidats pour lesquels ils votent au profit d'un vote stratégique de copinage, entre guillemets. On sait bien que pour le Ballon d'Or, on a des phénomènes similaires, voire des phénomènes de vote contre, c'est-à-dire qu'on ne va pas voter, par exemple les Argentins ne votent pas pour Cristiano Ronaldo, de même que les Portugais ne votent pas pour Lionel Messi. Donc ce vote-là de Borda, même si voilà, c'est le premier à avoir posé la question de comment faire pour que l'élection ait un sens démocratique et satisfasse l'électorat, eh bien c'est très facilement manipulable et ça pose des problèmes assez forts. On va voir évidemment que tous ces modes de scrutin qui peuvent paraître comme ça effectivement plus justes, plus logiques, plus fonctionnels, ont évidemment chacun leurs propres défauts, et même certains modes de scrutin peuvent arriver et peuvent conduire à des paradoxes particulièrement troublants. Il faut citer également, quand on parle de mathématiques électorales, là on fait un bond chronologique, mais un théoricien qui a posé les bases justement d'un certain nombre de points, c'est l'économiste Kenneth Arrow en 1951 dans Social Choice and Individual Value. Que dit-il, Antoine Houlou-Garcia? Alors, l'approche de Kenneth Arrow, elle est à nouveau différente de ce dont on a parlé, donc que ce soit Raymond Lull, Borda, Condorcet. Kenneth Arrow, il faut juste comprendre déjà le contexte intellectuel dans lequel il se trouve, qui est totalement différent des prédécesseurs, et d'ailleurs, Arrow ne connaissait pas les travaux de ses prédécesseurs, il a redécouvert des résultats indépendamment d'eux. Arrow, il vient d'une économie mathématisée, et c'est vrai qu'il a une approche du vote qui est calqué sur l'approche du marché, ce qu'on appelle le marché en économie. Et en gros, au lieu de s'échanger des biens comme on le fait sur un marché, on s'échange en fait des opinions qui produisent des décisions grâce au vote. L'optique d'Arrow, c'est de se dire, bon, moi je vais partir du principe que n'importe qui est capable de classer des préférences, voilà, je préfère tel candidat en 1, tel candidat en 2, etc. Et ce que je veux voir, c'est: est-ce qu'il existe une règle capable de toujours fonctionner, c'est-à-dire de toujours produire une préférence collective cohérente, c'est-à-dire une préférence collective dans laquelle il y ait de façon nette un premier, un deuxième, un troisième, que ce soit indiscutable. Et l'approche d'Arrow, elle est intéressante parce que c'est une approche axiomatique, une approche très mathématisée, et puis une approche générale. Il ne cherche pas à établir une règle particulière, mais à montrer, à trouver s'il en existe une par hasard qui serait parfaite, plutôt que de chercher une règle qui serait meilleure qu'une autre, mais peut-être moins bonne qu'une autre encore. Et ce que Arrow démontre, c'est ce qu'on appelle le théorème de possibilité, ce que lui-même appelle comme ça et qui a été retenu sous le nom de théorème d'impossibilité, parce qu'en fait, il est impossible de trouver une règle parfaite. Et ça, c'est un résultat qui a été ensuite très commenté par la science politique, notamment américaine, avec quelqu'un qui s'appelle William Riker, à partir des années 70, 80, 90, qui a été très influent pour montrer, alors après ça peut se discuter, hein, mais pour montrer, tel que c'était pensé, que la démocratie peut mener à une forme d'irrationalité et qu'en gros on ne peut pas se fier aux décisions démocratiques. Alors si on résume un peu ces différents points de vue et ces différents travaux, Antoinette Beaujard, aujourd'hui, et puis pour prendre la suite de cette impossibilité d'Arrow, quels seraient les critères de satisfaction auxquels devrait répondre un bon mode de scrutin? Alors on va y réfléchir progressivement. En fait, ce qui s'est passé juste après Arrow, c'est que ça a créé, pas simplement en sciences politiques, mais au sein de la science économique et dans l'ensemble des sciences, une sorte d'électrochoc qui ont fait que l'ensemble des chercheurs ont voulu trouver une solution, une possibilité pour pouvoir se sortir de constat très pessimiste. Pour sortir de ce constat très pessimiste, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des solutions et qui supposaient de revenir un petit peu sur les exigences qu'avait posées Arrow dans ses axiomes de départ. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause l'axiome de non-dictateur. Non, on ne souhaite pas qu'un dictateur décide pour les démocrates de la solution collective. En revanche, on se rend compte qu'il a réduit les informations sur les préférences. On se rend compte qu'il a voulu faire en sorte d'exclure l'ensemble des informations qui permettaient de dire ce qui était désirable et ce qui ne l'était pas. Or, si l'on accepte aujourd'hui des informations plus riches sur les préférences, si on accepte de comparer les utilités qu'ont les uns avec les utilités qu'ont les autres, si on accepte d'expliciter ce qu'est une règle désirable ou ce qui ne l'est pas, si on accepte donc d'expliciter nos jugements de valeur, alors on ne dira pas qu'il existe une règle parfaite, parce qu'il n'en existe pas, on ne sortira pas du problème à rien. Mais en revanche, on pourra, en discutant de ce qui est désirable et ce qui ne l'est pas, eh bien, décider de la règle qui correspond à nos critères. Donc, la première des choses à faire, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de règle idéale qui empêche à la fois le vote utile, l'expression, la représentation, le fait que tous les paradoxes n'apparaissent pas. Mais ce que l'on va pouvoir réaliser, c'est de lister les différents critères souhaitables et de dire lesquels peuvent apparaître. Alors, parmi... Oui ? Non, allez-y, je vous en prie. Parmi ces critères, déjà, on pourrait essayer de se dire quels sont les défauts des modes de scrutin qu'il faut qu'on essaye de s'en départir. Ce critère, ça peut être éviter d'élire celui qui est le perdant de Condorcet. Donc, le perdant de Condorcet, c'est celui qui est susceptible de perdre dans l'ensemble des duels. Donc, si on met un candidat face à chacun des autres candidats l'un après l'autre et qu'il perd à chaque fois, on se dit que c'est peut-être pas un bon candidat et que celui-ci, on ne devrait pas l'élire. On pourrait penser qu'une règle acceptable, désirable, n'élit pas ou n'élit jamais un gagnant de Condorcet. Or, un perdant de Condorcet. Un certain nombre de règles élit le perdant de Condorcet. Oui. Par exemple, on a pu même le montrer avec des expérimentations, et on a pu non seulement montrer que plusieurs règles pouvaient élire les perdants de Condorcet, c'est assez fréquent, mais que certaines règles élisent plus souvent que d'autres des perdants de Condorcet. Par exemple, la règle majoritaire à un tour élit à plus de 25% des cas ce perdant de Condorcet. Si on y ajoute des sondages, c'est-à-dire des éléments d'information pour pouvoir se coordonner sur les préférences des autres, ça baisse en dessous de 20%, mais ça reste évidemment une règle qui est beaucoup moins performante sur la base de ce critère-là que le vote par approbation, ou même, dans ce cas-là, la règle de Borda, qui a d'autres défauts, comme on a parlé Antoine Garcia tout à l'heure. On va continuer à examiner ces différents modes de scrutin et de ce que les mathématiques peuvent nous dire pour éviter bien les pièges que posent ces différentes modalités. Et on va notamment parler de ce fameux scrutin uninominal à deux tours et de comprendre pourquoi, eh bien, dans certains cas, il finit par nous pousser à élire ces fameux perdants de Condorcet. Et puis on va ici, évidemment, penser à d'autres formes d'élections, d'autres formes de vote qui, elles, sont un peu plus vertueuses. Ce sera dans quelques secondes musicales. J'ai loué un smoking, très soft, très standing, une voiture discrète. Votez pour moi, vous aurez la fête. J'ai un beau discours politique, amour, un programme, un but. Votez pour moi, vous ne serez pas déçus. Promets à tous, à toutes de tout changer. Impôts, fatigue, travail, tout ça, faut l'oublier. Il y aura des radios, il y aura du loto, de la babaille, du fric, du pain et des jeux, la télé qu'on veut, plus l'électronique. Oh, si vote pour moi, oh, si vote pour moi, je dois devenir l'unique candidat. Oh, oui, vote pour moi, oh, oui, vote pour moi, une affaire comme moi, ça ne se refuse pas. Personne sur le parking, pas de foulard. Votez pour moi, Dédi Mitchell, à 16h30 sur France Culture. On parle de mathématiques électorales tout au long de cette heure en compagnie d'Antoinette Beaujard, professeure de sciences économiques à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et membre du laboratoire CNRS GAT Lyon-Saint-Étienne, et Antoine Oulou-Garcia, enseignant de théorie politique à l'Université de Trente et d'histoire des idées politiques à l'Institut du Management Public et Politique de Paris. J'aimerais qu'on dise un mot de ce fameux scrutin uninominal à deux tours, à qui on trouve un certain nombre de défauts, mais j'aimerais qu'on puisse les expliciter ensemble. Pourquoi est-ce qu'il est si défectueux finalement, Antoine Oulou-Garcia, ce mode-là, ou pourquoi est-il autant critiqué en tout cas ? Alors, il y a, je pense, deux grandes raisons. La première, qui fait écho à ce que vous disiez en début d'émission sur les scores qu'on a pu voir la dernière fois, et en ayant 30% d'électeurs, on finit par avoir deux tiers des sièges. C'est vrai qu'il suffit d'imaginer, par exemple, que vous ayez deux partis en France, un qui fasse 49% partout, l'autre qui fasse 51% dans toutes les circonscriptions. Ben voilà, vous aurez 0% pour le premier parti à l'Assemblée et 100% à l'Assemblée pour le deuxième. Donc c'est vrai qu'il y a une distorsion qui est problématique. Alors, cette distorsion, elle a évidemment un effet négatif sur les petits partis, en gros, sur ceux qui en particulier n'accèdent jamais à une victoire dans une circonscription, ça c'est une évidence. Et donc c'est pour ça que depuis un certain nombre de décennies, on a ce retour à cette idée de la proportionnelle qui serait plus juste. Après, je pense qu'il y a aussi une deuxième chose, c'est que bizarrement, l'Assemblée nationale est censée représenter la nation. C'est une chose qu'on entend souvent, donc on enseigne d'ailleurs, là où le Sénat est censé représenter les territoires. Et bizarrement, les élections législatives, donc pour l'Assemblée nationale, se font par circonscription, donc par territoire morcelé. Donc ça, c'est vrai que c'est assez surprenant. Je pense qu'il y a peut-être aussi ce phénomène d'incohérence conceptuelle entre le rôle que l'on attribue politiquement à l'Assemblée nationale et la manière dont on la compose. Donc voilà, je pense que ça c'est un grand problème. Après, il y a aussi des polémiques un peu plus spécifiques de temps en temps, alors qu'ils ne sont pas à chaque élection, hein, mais qui peuvent exister dans le phénomène de l'élection pour l'Assemblée nationale ou dans tous les phénomènes où une entité politique est morcelée en plusieurs territoires. Ça peut être le cas pour les États-Unis par exemple avec leur aspect fédéral. C'est ce qu'on appelle le gerrymandering. C'est-à-dire, ça vient d'un sénateur américain qui s'appelait Jerry, et qui, donc le gerrymandering, pour faire le petit jeu de mots avec la salamandre, salamander, qui avait découpé le territoire du Massachusetts, si je me souviens bien, au 19e siècle, de sorte à favoriser son parti. C'est-à-dire que si vous savez très bien que tel quartier est plus propice à voter pour vous, eh bien alors vous allez le mettre ensemble pour avoir au moins un siège. Vous allez pouvoir avoir des techniques cartographiées en fait pour affaiblir le parti adverse en découpant de façon optimale votre territoire. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le charcutage électoral en français, même si le terme technique c'est le gerrymandering en théorie politique. Et voilà, ça peut aussi faire partie des critiques qui sont adressées à ce système électoral. Et ce système électoral, il peut aussi, le cas échéant, produire des résultats surprenants du fait de la multiplicité des candidats, et notamment des petits candidats qui se retrouvent à avoir une influence extrême sur les résultats et à finir par faire gagner le fameux perdant de Condorcet. Souvenez-vous d'un certain 21 avril 2002. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Stupeur chez les socialistes. 17,4%. Lionel Jospin n'est pas au second tour. Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Les militants sont effondrés, écœurés. Il aura tout fait, on me jette comme un chien comme ça. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Dans la foulée, Lionel Jospin annonce son retrait. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... L'extrême droite devant la gauche, Chirac réélu, un an après, le traumatisme est toujours là chez les militants socialistes. Des regrets d'autant plus vifs, sans doute, qu'aujourd'hui encore, le PS se sent orphelin. Voilà ce reportage sur le 21 avril 2002. Commentaire libre, Antoinette Beaujard. Je crois que la première chose qu'il faut écouter, c'est que scrutin uninominal majoritaire à deux tours n'élit pas le perdant de Condorcet, justement, grâce au deuxième tour. Donc ça, c'est quand même une de ses rares qualités, donc il faut quand même la préciser. Majoritairement, les Français préféraient Jacques Chirac à Le Pen qui est passé au deuxième tour. En revanche, ce qui s'est passé, c'était que si vous vouliez faire porter l'accent sur les petits candidats, on pouvait identifier certains candidats du premier tour qui pouvaient avoir en 2002 assez peu de voix, mais un nombre de voix qui pouvait expliquer la différence. Ce qui explique en fait la défaite de Lionel Jospin et son incapacité à passer au second tour, c'est 600 000 voix. Le nombre de voix qu'a obtenu Christiane Taubira à ce moment-là, c'est 200 000 voix. Si seulement une partie des... c'est 200 000 dans un cas et 600 000 dans l'autre. Oui, seulement une partie des voix qui se sont portées sur Christiane Taubira avait consenti à voter pour Lionel Jospin par souci de vote utile. Alors, il est vrai que Lionel Jospin passait au second tour et que ce gagnant de Condorcet aurait été élu. C'est donc ce qu'on appelle une sensibilité au candidat clone qui explique ce résultat insatisfaisant pour une majorité des Français. Donc, un des défauts qu'on peut trouver au scrutin actuel, c'est de pas toujours élire le gagnant de Condorcet. On l'a retrouvé dans un autre cas, par exemple, un gagnant de Condorcet, c'est quelqu'un qui gagne systématiquement dans tous les duels contre un autre candidat. C'était le cas, par exemple, de François Bayrou en 2007. Et François Bayrou était capable de gagner en duel contre tous les autres candidats. Mais évidemment, il n'est pas passé au second tour. C'est vrai également pour Édouard Balladur en 95, qui se voit privé du second tour. On imagine par le pourcentage, les 4,7% enregistrés par Philippe Devilliers. Plus récemment, on peut penser également au vote pour Fabien Roussel et à la disqualification de Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle. Ce qui est intéressant, Antoine Houlou-Garcia, dans cette configuration-là, c'est que d'un seul coup, ces petits candidats se retrouvent avec un poids considérable dans la résolution d'une élection, et donc on ne se retrouve non plus à primer celui qui arrive en premier ou celui qui court le plus vite, mais celui qui est le moins retenu derrière par les candidats qui viennent grignoter sa base électorale. Alors, c'est vrai. Maintenant, ça pose une vraie question, parce que en gros, ce qu'on a tendance à dire à travers ce discours-là, et c'est un discours tout à fait logique, parce que ça fait partie aussi de notre fonctionnement politique et de façon historique, mais en gros, on a tendance à dire, bah alors, il faut voter utile. Voilà. Mais le vote utile, en théorie politique et en théorie du vote, c'est un vote stratégique, c'est en fait un vote manipulé en quelque sorte, c'est un vote non sincère. C'est-à-dire que typiquement, si on prend, pour remonter à 2002, les électeurs de Christiane Taubira, bah on peut se dire, bah, peut-être que tout simplement, il ne voulait vraiment pas voter Jospin pour des raisons idéologiques assez profondes, pour des désaccords assez marqués avec le Parti Socialiste de l'époque, etc. Et est-ce que finalement, c'est une bonne chose qu'il y ait une multiplicité de candidats, parce que du coup, ça donne une multiplicité d'options, d'idéologies présentées, d'opinions, d'horizons proposés politiquement, ou est-ce qu'il faut réduire le plus possible parce que, comme ça, on fait la bataille des géants. Et quelque part, la démocratie, c'est aussi la pluralité des partis, c'est aussi la multiplicité des opinions et le respect de cette multiplicité-là. Donc, c'est vrai qu'on se dit, bon, ce sont des gens qui ont des partis politiques relativement proches, clones, pour reprendre le terme que Antoine Bejar utilisait. Mais en même temps, il y a une véritable différence profonde, parfois, très marquée. On peut penser plus récemment à la différence entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas dit nécessairement que les électeurs de Fabien Roussel seraient allés voter pour Jean-Luc Mélenchon si Fabien Roussel s'était rallié ou ne s'était pas présenté. Donc, quelque part, ça pose aussi un peu la question de la démocratie et ça pose aussi la question du bipartisme, parce qu'en fait, c'est ça, je pense, qu'on a en perspective lointaine. C'est qu'on veut avoir, et c'est pour ça qu'il y a un deuxième tour à la présidentielle avec seulement deux candidats. Ça fait partie de l'histoire de la Ve République, ce bipartisme. Mais institutions et notamment les procédures électorales ont été créées à dessein. On veut qu'au deuxième tour, il y ait les deux grands partis, ceux dont on sait très bien qu'ils sont les deux grands partis. Sauf que depuis un certain nombre d'années, et de plus en plus maintenant, le bipartisme a explosé en France. Et ça fait que probablement la règle électorale aujourd'hui est plus très adaptée. Parce que c'est vrai que si on prend l'élection présidentielle, par exemple, en gros, on va avoir nécessairement environ 75% de mécontents, quelle que soit la personne élue, et quel que soit le score du second tour. Si on s'en tient au score, on va dire, relativement honnête du premier tour, où on vote pour qui on pense vraiment, si on peut le dire comme ça. On pourrait imaginer, par exemple, au niveau de la présidentielle, une triangulaire, une quadrangulaire, comme c'est le cas pour les législatives. Mais c'est vrai qu'on a du mal avec ça, parce que cette notion de bipartisme est historique. La force du bipartisme, en quelque sorte, au niveau théorique du vote, c'est qu'il n'y a pas de paradoxe avec seulement deux options. Il y a des paradoxes qui peuvent arriver, et des problèmes de vainqueur ou de perdant de Condorcet, à partir seulement de trois candidats, et c'est là que ça devient plus compliqué. Et même en cas de triangulaire ou de quadrangulaire, ça ne résout pas le problème qu'on se retrouve avec un candidat élu avec une écrasante majorité d'électeurs qui sont insatisfaits et qui n'ont pas voté pour lui ou pour elle. Un mot peut-être rapidement, Antoinette Bojard, sur cette notion de vote utile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un système idéal dont on sait qu'il n'existe pas, il n'y a pas de vote utile parce que chaque citoyen et chaque citoyen devrait pouvoir voter en fonction de ses convictions et pas par stratégie, mais pour la personne qui lui semble la plus représentative de ses idées. Alors ça, on peut le dire comme ça. On pourrait dire que chaque personne devrait voter de façon totalement indépendante de son voisin, de telle manière à annoncer sa préférence. Ça, c'est une façon de dire que le vote utile est une stratégie et qu'il n'est pas vertueux et qu'il est même vicieux et qu'il faut s'en débarrasser. Une autre façon de percevoir le vote utile, c'est de dire qu'au moment où je vais exprimer ma voix, je vais devoir prendre en compte le fait que d'autres ont d'autres opinions qui ne sont pas les miennes. Vivre en communauté, c'est aussi accepter la différence. C'est aussi accepter que les autres n'ont pas le même point de vue que moi. Et c'est pouvoir peut-être, au moment où j'exprime mon opinion, qui n'est pas forcément ma préférence intime, mais au moment où je l'exprime pour qu'elle soit entendue au niveau collectif et qu'elle implique le collectif dans son ensemble, que je sois capable d'intégrer, d'incorporer une prise en compte de ce collectif. Dans le vivre ensemble, en fait, cette prise en compte, elle a aussi son importance. Donc il y a un certain nombre de conceptions qui peuvent ne pas jeter le vote utile à la poubelle et y trouver aussi des avantages. La première chose, par ailleurs, qu'il fallait peut-être envisager, c'est qu'il n'existe aucun mode de scrutin qui permette, nous l'a expliqué Gibard d'une part et Sater Souhaite d'autre part en 74-75, aucun mode de scrutin ne permet d'éviter le vote utile au sens où on a systématiquement, lorsqu'on doit s'exprimer dans un mode de scrutin, une incitation à ne pas dire exactement ce que l'on pense parce que on va devoir prendre en compte la position des autres. Alors est-ce que c'est moralement un problème ? Je ne suis pas sûre, c'est peut-être même une vertu politique. Est-ce que c'est possible de s'en débarrasser ? Pas complètement. On peut le réduire, je pense que ça a aussi des problèmes, évidemment ça pose d'autres problèmes d'inégalité de représentation, mais je crois qu'il ne faudrait pas le considérer comme le seul et l'unique problème de la représentation démocratique. D'un autre côté, ce qui me paraît, moi, central, en fait, dans toutes ces prises en compte, c'est le fait que les électeurs souhaitent pouvoir exprimer ceux et celles pour qui ils seraient d'accord de le voir voter. C'est-à-dire si je serais d'accord avec le fait que tel ou tel candidat soit élu, c'est pas tout à fait la même chose que de vouloir choisir un unique candidat et me prononcer pour un unique candidat. Je vais vous donner un exemple. En 2002, on a eu l'impression qu'il y a un très très gros candidat qui est Le Pen avec 17,90% des voix et Eva Joly un tout petit candidat avec 2,31% des voix. Or, dans les deux cas, Joly, Le Pen sont, si j'avais posé autrement la question aux électeurs, je leur avais dit, mais qui vous voudriez voir éventuellement élu ? Et là, 27% des gens sont d'accord avec le fait de voir Joly ou Le Pen élu comme président ou présidente de la République. C'est-à-dire que si je pose différemment la question et si je permets aux électeurs de s'exprimer différemment, je vais avoir une vision, une représentation différente de ce que sont les préférences électorales. Donc ça, c'est au-delà même de la question du vote utile ou de s'empêcher au-delà même de ces questions-là, en fait, vouloir s'interroger sur la façon dont les électeurs vont pouvoir exprimer leurs préférences et la façon dont on va pouvoir les prendre en compte au moment de les agréger dans un vote est peut-être la première question à laquelle il faut songer lorsque l'on s'interroge sur le vote. Eh bien, c'est une transition absolument parfaite puisque, en dépit donc des défauts de ce scrutin majoritaire uninominal à deux tours, il y a d'autres possibilités de scrutin, des possibilités notamment une récemment a fait parler d'elle depuis la primaire populaire, c'est celle du jugement majoritaire. Bonjour Alexandra Delbault. Bonjour Nicolas. Et l'histoire de ce jugement majoritaire est intéressante puisque elle commence avec un petit coup de jaja. C'est ça. Tout commence au début des années 2000. Rida Laraki et Michel Balinski, deux chercheurs, découvrent dans un livre de classement des vins, dans des concours, une méthode d'évaluation inédite en théorie du choix social. Il s'agit non pas de classer les vins, mais de les juger, en donnant une valeur de très bien à mauvais. Voilà l'essence même du jugement majoritaire, pouvoir noter chaque candidat avec des mentions de très bien, bien, insuffisant, jusqu'à la mention à rejeter. Et j'ai rencontré Rida Laraki, directeur CNRS à l'université Paris-Dauphine, un des fondateurs de cette théorie. Il explique que c'est le mode de scrutin qui permet d'échapper à certains paradoxes de vote, comme le paradoxe d'Aro, et qu'il est suffisamment robuste pour faire face au vote stratégique. Le jugement majoritaire a commencé, on va dire, en 2002, suite à une série d'articles pour La Science, un dossier, et un juge de vin et grand amateur de vin, qui s'appelle Jacques Blouin, nous a envoyé son livre qui s'appelle « Le goût du vin ». Et il se demandait si les méthodes classiques du choix social, de Condorcet, de Borda, de Danou, de Laplace, peuvent être adaptées pour mieux classer les vins. Donc en lisant son livre, on a découvert que c'est l'inverse. En fait, on a découvert que c'est les méthodes utilisées pour classer les vins, et plus généralement les gymnastes, les plongeurs en sport, en fait, sont très intéressantes. Et leur méthodologie peut être la base d'une théorie pour tous les problèmes de décision, en particulier élire un président de la République. Et donc, c'est ça, et c'est sur cette base-là qu'on a développé le jugement majoritaire. Donc, ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai lu ça la première fois, c'est que j'ai vu que les juges devaient donner une évaluation comme très bon, mauvais au vin. Et j'avais jamais vu ça dans un livre de choix social ou de vote. Donc, ça m'a fait frapper. Et donc, ce qui m'avait frappé en 2002, parce que j'avais participé à une expérience de vote avec Michel Balinski et des collègues de l'École Polytechnique à Orsay, on a expérimenté un mode de scrutin qui s'appelle le vote par assentiment. D'ailleurs, c'était une première mondiale où un mode de scrutin a été expérimenté par des électeurs à la sortie des urnes. Donc, en fait, en sortant de Orsay, après avoir participer à cette expérience, on découvre les résultats et l'élimination de Lionel Jospin. Et c'est à ce moment-là que je réalise l'importance de ce qu'on appelle dans la théorie du choix social le paradoxe d'Aro. Donc c'est un paradoxe dont souffrent plusieurs méthodes de vote, en particulier la méthode qu'on utilise en France, c'est-à-dire le fait d'avoir des petits candidats mineurs peut changer le résultat de l'élection, même si ces candidats n'ont aucune chance d'être élus. Et ça, c'est un gros problème qui s'est posé en fait quand on commence à regarder l'histoire de près. Il s'est posé plusieurs fois aux États-Unis en 2000 avec l'élection de George W. Bush qui a été élu grâce à la présence de Ralph Nader qui était un candidat certes valeureux mais qui avait très très peu de voix. Et parce que ce candidat il a eu 100 000 voix en Floride, il a empêché Al Gore de gagner la Floride. Donc il y avait 500 voix de différence entre Bush et Al Gore. Et donc Bush a gagné la Floride grâce à la présence de Nader. Et donc il a gagné l'élection présidentielle américaine. Et donc l'histoire a changé à cause d'un mode de scrutin qui est défaillant. Et justement, ce mode de scrutin par jugement majoritaire cherche à contourner ces paradoxes, notamment Aro et aussi Condorcet, en utilisant un vote par valeur. Donc d'attribuer une mention de valeur à chaque candidat. Quelles sont toutes les caractéristiques du jugement majoritaire ? Donc le jugement majoritaire, il va demander aux électeurs de s'exprimer avec un langage qu'on appelle un langage commun dans la théorie. Et donc en France, ça serait, on a choisi les mentions du baccalauréat, excellent, très bien, bien, passable, insuffisant. Et on a rajouté une mention qu'on a appelée à rejeter. parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une demande des électeurs pour des élections politiques, en particulier présidentielles. Il y a quand même des électeurs qui rejettent certains candidats, et donc une façon de l'exprimer. Donc la philosophie derrière le jeu majorité est très simple. C'est permettre aux électeurs de s'exprimer le mieux possible. Et quand il y a plusieurs candidats qu'ils aiment bien, peuvent voter en leur attribuant une bonne mention. Donc ça aussi, c'est un deuxième problème qui va être résolu. Donc juste le fait de permettre aux électeurs de mieux s'exprimer résout presque le paradoxe d'Haro. Et en fait, c'est les restreindre en leur demandant seulement de faire un choix et dire non à tous les autres qui cause le problème, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il nous reste à déterminer avec quelle, une fois que les électeurs ont voté, quelle formule mathématique appliquer pour calculer le gagnant. Il n'y a pas qu'une seule méthode, il y a une infinité de méthodes possibles, comme chacun peut l'imaginer. Par exemple, on aurait pu dire, tiens, on va donner un score à chaque mention. Par exemple, on peut dire, tiens, excellent, on va lui donner le score de 50, à très bien, on peut donner le score de 14, et à rejeter, on peut donner le score d'au moins 100, je ne sais pas, et prendre la moyenne de ce qui sort, ou la somme des points récoltés pour chaque candidat. Bon, ça, c'est une méthode, et on peut varier les scores, on trouve d'autres méthodes. Donc, vous voyez qu'il y a une infinité de méthodes possibles. Et bien, le jugement majoritaire, c'est une formule qui nous a pris quand même un peu de temps avant de la trouver, mais qui est basée sur le principe suivant. Quelle est la méthode qui va être le plus robuste à des tentatives de manipulation stratégique? Par exemple, certains électeurs auront la consigne, auront la tentation de donner la meilleure mention à leur candidat préféré et rejeter tous les autres candidats. Et donc si certains électeurs font ça, est-ce qu'on peut faire quand même une méthode telle que le gagnant ne change pas? En tout cas, résiste le plus possible. Et donc la méthode qui a le plus de chances de résister, c'est celle qu'on a appelée le jugement majoritaire et qui a une certaine qui est basée sur l'utilisation de la médiane d'une façon itérée. Et après, il y a une façon de le calculer, mais tout le monde peut faire le calcul une fois qu'on a les bulletins de vote et on a les résultats. N'importe qui peut faire les calculs une fois qu'il comprend la formule et faire le classement par lui-même. Voilà, sur le jugement majoritaire, une réaction, Antoine Oulou Garcia. C'est assez normal que Rida Laraki défende son bébé. En évidemment. Fait, mais après, on sait qu'il y a un très bon article, par exemple, de Jean-François Lallier sur le sujet, qui montre à quel point le jugement majoritaire est défectueux, est sensible à pas mal de paradoxes, à des effets très surprenants. Par exemple, il parlait de l'élection, effectivement, de manquer d'Al Gore à cause de Nader. Le jugement majoritaire pourrait quasiment faire élire Nader, justement, à la place d'Al Gore ou de Bush, et du coup faire élire le plus petit candidat. Il y a des effets très, très paradoxaux. Il y a aussi, je pense, une question plus profonde, c'est que tout ça, ça vient un petit peu de la théorie utilitariste. Ce qui importe, c'est de maximiser quelque chose et de voir qui va gagner. Mais on vote pas forcément pour gagner, on peut voter pour s'exprimer. Et puis aussi, le gagnant, c'est pas celui qui a les pleins pouvoirs. Donc finalement, quand on pense uniquement à une méthode pour déterminer un gagnant, on oublie en fait, il y a des gens qui seront minoritaires, qui seront dans l'opposition, mais que ces gens-là, ils ont leur place dans la politique. Donc je pense qu'on a tendance aussi, à travers ces travaux expérimentaux qui sont très intéressants par ailleurs, à oublier que la politique, c'est pas seulement le gagnant. Antoinette Beaujard, sur le jugement majoritaire, et pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Oui, je crois qu'il faut bien noter déjà que c'est un mode de scrutin qui permet de sortir du problème harovien, comme j'ai dit tout à l'heure, en ajoutant un petit peu plus d'informations sur les préférences des électeurs. Et donc on a une expression beaucoup plus riche, puisqu'on peut s'exprimer sur chaque candidat et de façon nuancée. Et ça, c'est une solution, c'est une piste absolument indispensable et sur laquelle il faut que nous réfléchissions tous. Par ailleurs, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était que quand on essaye de sortir du problème à Rovien, eh bien, on se situe maintenant dans un nouveau problème qui est le choix des jugements de valeur ou la définition de la démocratie. Et là, va pouvoir s'opposer, par exemple, deux visions de la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est réussir à organiser le ralliement autour d'une majorité d'un seul homme et savoir que la minorité n'aura plus qu'à se taire? S'il s'agit de construire une majorité, alors on peut avoir des scrutins majoritaires, semble des scrutins majoritaires, des jugements majoritaires. De l'autre côté, allô? Oui, c'est juste que vous avez appuyé sur des touches. Mais allez-y, poursuivez pour conclure. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi choisir des modes de scrutin qui vont plutôt mettre en évidence la capacité de chacun non seulement à s'exprimer, mais surtout à peser dans le résultat. Et ça, dans ce cas-là, des modes de scrutin du type du vote par approbation, du vote par note ou d'autres types de modes de scrutin sont beaucoup plus performants à cet égard-là. Donc ça dépend vraiment comment est-ce qu'on veut définir la démocratie. Et je crois que c'est la question à laquelle les électeurs et les mathématiciens vont pouvoir répondre, contrairement aux mathématiciens qui n'auront fait que les aider. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Antoine Houlou-Garcia. On peut vous lire dans La politique manuelle à l'usage des citoyens qui n'y comprennent plus rien. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Antoinette Beaujard. Je vous signale que le 11 juin à l'Institut Henri Poincaré se tiendra une conférence maths et démocratie, le vote à la loupe. On vous met les références sur Twitter. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas d'aller voter dimanche pour le premier tour des élections législatives. La méthode scientifique, c'est Eve Etienne, Amel Boucherka, Alexandra Delbo, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Natacha Triou, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation et Valentin Bobinet à la technique. Et comme toujours, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.